Sixième partie. Les années Obama, 2009-2017. Chapitre 23. Changement d'air. Pour beaucoup de citoyens américains et dans le reste du monde, l'élection de Barack Obama est apparue sur le moment comme un tournant. Ce tout jeune sénateur, relativement novice en politique, a remporté la primaire démocrate de 2008 et insufflé un ton nouveau dans la campagne américaine, suscitant un vif espoir de changement dans des catégories de la population habituellement peu impliquées en politique, comme les Noirs ou les jeunes. Au cœur de sa plateforme figurait la promesse de mettre fin à la guerre contre la terreur de George W. Bush et Dick Cheney. En juriste qu'il était, Obama dénonçait les frappes de drones et autres actions illégales. « Nous allons à nouveau montrer au reste du monde que la justice n'est pas arbitraire. » Il promettait de remettre au premier plan les libertés civiles et les règles constitutionnelles. Le candidat et le président. En 2006, lors d'un débat au Sénat sur le Military Commissions Act, qui légalisait les tribunaux d'exception créés par l'administration Bush à Guantanamo, le sénateur Obama déclarait « La question se résume à ceci. Les procédures actuelles sont telles qu'un parfait innocent pourrait se trouver détenu sans pouvoir contester les accusations du gouvernement et sans moyen de prouver son innocence. J'aimerais que quelqu'un dans cette chambre ou dans ce gouvernement me dise pourquoi c'est nécessaire. Je ne veux pas entendre que c'est un nouveau monde et que nous faisons face à de nouveaux ennemis. Je sais cela. Mais en tant que père, je peux imaginer la terreur que j'éprouverais si un membre de ma famille était capturé au milieu de la nuit et envoyé à Guantanamo sans même savoir pourquoi, ni possibilité de prouver son innocence. Ce n'est pas un scénario de fiction. Nous avons déjà eu ces dernières années des rapports de la CIA et de divers généraux disant que de nombreux détenus de Guantanamo ne devraient pas s'y trouver. C'est une guerre extraordinairement difficile que nous menons contre les terroristes. Il va y avoir des situations lors desquelles nous lancerons un filet trop large et captureront les mauvaises personnes. Mais ce que l'on peut éviter, c'est d'empêcher notre système judiciaire de corriger ses erreurs. En donnant aux suspects une chance, seulement une, de contester leur détention devant un tribunal, de faire confirmer par un juge si le gouvernement a bien emprisonné la bonne personne pour de bonnes raisons, nous pouvons résoudre ce problème sans gêner en rien nos efforts dans la guerre contre la terreur. Pour ceux qui sont coupables, nous avons toutes les procédures qu'il faut pour les enfermer. C'est le genre de peuple que nous sommes. Nous faisons les choses bien et nous les faisons avec justice. Toujours en 2006, le sénateur Obama s'opposait au programme de surveillance massive conduit par la NSA, estimant que cette surveillance devrait être encadrée par la justice et le Congrès. En signe de protestation, il votait contre la nomination à la tête de la CIA du général Michael Hayden, ancien patron de la NSA. Au terme du deuxième mandat du président Obama, il serait difficile de trouver un procureur plus sévère pour les actions de son administration que le sénateur Obama de 2006, dont les propos ci-dessus résument tous les dérapages intervenus entre 2008 et 2016. Pour les observateurs attentifs, il apparut évident dès les premiers mois de l'année 2009 que l'administration Obama s'inscrivait dans la continuité des pratiques et analyses juridiques de l'administration Bush. Ainsi, en février 2009, les conseillers d'Obama expliquaient que les prisonniers de la base de Bagram, en Afghanistan, n'avaient aucun droit légal de contester leur détention. Contrairement aux promesses du candidat, la prison de Guantanamo n'a pas été fermée. À sa décharge, le président Obama a pris dès son arrivée un décret pour programmer la fermeture, mais il s'est heurté à un paradoxe et au refus du Congrès à majorité républicaine de rapatrier les prisonniers dans le système judiciaire américain classique. En effet, la plupart des aveux livrés par ces prisonniers ont été obtenus sous la torture. Cela seul constitue un vice de procédure qui suffirait à les faire libérer selon les normes judiciaires américaines. Or, les sénateurs ne veulent à aucun prix voir libérer des terroristes endurcis sur le sol américain. Tout ce qu'a donc réussi à faire l'administration Obama, c'est de transférer les prisonniers considérés comme moins dangereux vers des prisons de leur pays d'origine. Même avec un nombre réduit de prisonniers, le symbole Guantanamo subsiste au départ d'Obama, et il est peu probable que cela empêche de dormir le président Trump. Plus gênant encore, les révélations du lanceur d'alerte Edward Snowden en 2013 ont montré que la NSA, loin de ralentir ou de réguler ses activités de surveillance électronique, les avait développées tous azimuts au cours des années récentes. Le public américain ne se formalise guère que la NSA pirate des opérateurs étrangers de téléphonie, espionne les téléphones portables de dirigeants de pays alliés comme Angela Merkel ou François Hollande. Il en va autrement des outils qui permettent d'insérer des implants dans les serveurs de différents constructeurs informatiques comme Cisco ou Dell, d'aspirer les données de téléphones portables américains, les données de recherche et messagerie e-mail de Google, ou de casser les technologies de chiffrement accessibles au grand public. En février 2014, le New York Times a révélé que la NSA avait fait espionner un bureau d'avocats américain dans le cadre d'un litige commercial entre les États-Unis et un pays étranger. Bref, il n'est plus possible d'affirmer que la NSA n'espionne pas les Américains, ou qu'elle ne le ferait à l'occasion que de façon accidentelle. La surveillance de masse est mondiale et inclut bien sûr les États-Unis, sans encadrement judiciaire ou législatif. Les accusations de traîtrise contre Edward Snowden, toujours inculpé à ce jour d'espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux, et la traque des services américains contre lui, ont toujours cours. Suite aux attentats de Paris de novembre 2015, le directeur de la CIA, John Brennan, a même déclaré que Snowden avait du sang sur les mains, sous-entendant que ces révélations avaient gêné le travail des agences de renseignement. Cependant, de nombreuses personnalités, y compris au sein du camp démocrate, comme l'ancien président Jimmy Carter ou l'ex-vice-président Al Gore, ont pris publiquement sa défense, sans résultat concret. Seule conséquence positive de la polémique ouverte par ces révélations, en juin 2015 a été voté l'USA Freedom Act, qui met fin, en théorie, à la collecte de métadonnées téléphoniques sur le sol américain. Ces données seront désormais stockées par les opérateurs et les agences ne pourront y avoir accès que sur ordonnance délivrée par un tribunal spécial. Après une période de sidération, les faucons de l'administration Bush-Cheney ont reconnu publiquement que Barack Obama avait tout simplement chaussé les bottes de son prédécesseur. L'ex-directeur de la CIA, le général Michael Hayden, il y a une continuité puissante entre le 43e et le 44e président. L'ex-président Dick Cheney, je pense qu'en termes d'antiterrorisme, il est revenu sur ses premiers propos, du genre engager des poursuites contre les gens de la CIA qui ont appliqué notre politique. Tout ça a été mis de côté. Je pense qu'il a appris que tout ce que nous avons fait était bien plus judicieux qu'il ne voulait bien nous l'accorder quand il était candidat. Une nouvelle CIA. Du côté de la CIA, on pouvait craindre en effet une grande lessive après l'élection d'Obama. En homme prudent, ce dernier choisit de nommer à la tête de l'agence un homme de confiance et vieux briscard de Washington, Leon Panetta, ex-élu de Californie et ancien directeur de cabinet du président Bill Clinton. Son expérience et sa fiabilité étaient censées compenser sa faible expérience en matière de renseignement. Dès son arrivée, Panetta entreprit de visiter tous les postes de la CIA à l'étranger engagés dans la guerre contre le terrorisme. Il fit également procéder à une revue interne sans complaisance du programme de torture accompli à la demande de l'administration Bush et qui était désormais interdite. À cette occasion, il fut notamment établi que de nombreux enregistrements vidéo de séances de torture avaient été détruits illégalement juste avant l'inspection. Il fut aussi prouvé que plusieurs responsables de l'agence avaient menti lors de témoignages devant le Congrès à propos de la torture. Pourtant, on ne prononça aucune sanction. Panetta plaida pour ne pas conduire de purge des éléments ayant appliqué le plus férocement le programme de torture. Il estimait que l'agence avait besoin d'unité et de se concentrer sur ses missions, que les responsabilités ultimes se situaient du côté de l'ex-vice-président Dick Cheney. Enfin, que sanctionner les responsables internes serait délicat et mettrait l'agence sans dessus-dessous. Ce réalisme fut entériné par le président. Dès juillet 2011, l'homme de confiance Panetta fut nommé ministre de la Défense. Il quittait l'agence auréolée du récent succès de l'élimination d'Oussama Ben Laden. Son successeur, le général David Petraeus, ancien chef du commandement central des opérations militaires en Irak et en Afghanistan, devait tenir le poste encore moins longtemps que lui. Il fut en effet contraint de démissionner fin 2012. Une enquête du FBI sur le cyberharcèlement d'une amie du couple Petraeus venait de révéler que la source de ce harcèlement n'était autre que Paula Broadwell, une journaliste auteure d'une biographie du général Petraeus, qui se trouvait également être sa maîtresse. Plus grave, le FBI établit que le directeur de la CIA avait partagé avec sa maîtresse nombre de documents ultra-secrets. Après avoir plaidé coupable, Petraeus fut condamné en 2015 pour ces faits à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 $ d'amende. Alors qu'elle semblait tout juste remise sur de bons rails, la CIA s'enfonçait à nouveau dans le scandale. Il est ironique que les mêmes technologies qui sont quotidiennement utilisées pour la surveillance de masse des citoyens aient eu pour effet de faire chuter de son piédestal le héros de guerre qui dirigeait la CIA. Après ce faux pas, Obama choisit de confier l'agence à un de ses collaborateurs, son conseiller à la sécurité nationale. John Brennan est un ancien de la CIA qui est également passé par le secteur privé. Ayant soutenu l'usage de la torture sous l'administration Bush, il fait partie des personnages clés qui ont fait évoluer le président sur les questions de renseignement. C'est lui qui a eu pour tâche de définir les règles de l'usage des drones, qui sera abordé dans un prochain chapitre. Parmi ses réalisations majeures, Brennan a mis en œuvre une réorganisation de l'agence. Il a ainsi créé une nouvelle division dédiée à l'innovation digitale, destinée à combattre notamment le cyberterrorisme. Il a également accordé d'importants moyens au développement du centre de formation des agents. Après l'élimination de Ben Laden, le dossier de la guerre civile syrienne a pris de l'importance pour la CIA. En septembre 2013, le président Obama annonçait aux sénateurs l'entraînement par la CIA d'une première force de 50 rebelles. Cela faisait déjà 1 an que la CIA livrait des armes aux rebelles, une opération menée depuis sa base libyenne en collaboration avec les Britanniques et les Saoudiens. En 2012, David Petraeus avait présenté au président un plan d'intervention musclé de la CIA sur le terrain syrien, mais Obama l'avait rejeté, estimant que dans l'histoire, les soutiens de l'agence à des guérillas avaient toujours été des échecs. Le programme de formation et d'armement qu'il approuva finalement n'avait pas pour but de permettre la victoire des rebelles, mais tout simplement d'obliger Bachar el-Assad à s'asseoir à la table des négociations. La CIA établit, à partir de 2013, des camps d'entraînement en Turquie et en Jordanie, qui accueillirent environ 10 000 rebelles. Ces efforts commencèrent à porter leurs fruits sur le terrain, jusqu'à ce que Vladimir Poutine décide de venir à la rescousse d'Assad. John Brennan fut alors d'avis de doubler le programme, mais le ministre des Affaires étrangères, John Kerry, s'y opposa, estimant qu'on risquait de provoquer des rétorsions imprévisibles de la part des Russes. En mars 2016, une enquête du Los Angeles Times donnait le coup de grâce au programme. Elle montrait que les rebelles armés par la CIA étaient en train d'affronter non pas les troupes d'Assad ou de Daesh, mais d'autres factions rebelles, elles-mêmes armées et entraînées par l'armée américaine. Business as usual. Rien de ce qui précède ne permet de dire que l'ère Obama aurait marqué une rupture avec la précédente administration. Au-delà des styles de leadership, c'est la continuité qui nous semble prévaloir, dans les pratiques comme dans les errements. Nous avons choisi, dans les chapitres qui suivent, de développer trois dossiers noirs de cette période récente. Les mensonges sur l'élimination de Ben Laden, l'espionnage de sénateurs par la CIA, et enfin les ravages de la guerre menée à coups de drones.